Sur cette place, je suis derrière un tracteur. Son clignotant droit est allumé. Sa position à cet endroit peut être justifiée si son encombrement rend difficile l'accès dans la rue de droite. Même s'il me semble que j'ai suffisamment d'espace pour me faufiler à droite du tracteur, je ne le fais surtout pas. Il va forcément serrer à droite et je ne sais pas s'il m'a vu. Je reste derrière lui. Réponse B.